بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كما ذكرت اليوم on directement dans le nouveau dars. Et on avait tout pris, et d'ailleurs on avait tout pris. فالآن هو نص نص ثاني sur le même sujet. الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Deuxième partie. الكلمة الجديدة زاحم يزاحم زاحم يزاحم يعني بوندي بوسكولي كما سون دي هذا المكان فيه زحمة يو يجمون رهبانية سي une forme de observance une forme de détachement de ce monde hawla hada. Rahib araba c'est le moine. Rahib c'est un moine. Maskana c'est on va dire une forme de pauvreté. Ça peut être aussi un lieu d'habitation, mais là le sens qu'ils veulent c'est celui qui s'est passé par un meskin. Ça va venir dans le texte, Michel. Tarafa et tarafa'u. C'est s'élever. Et dans le texte, ça apparaît précisément Mawal Maqsoud. Aouja'a, yuji'u, c'est faire mal. Ça vient de Waja. Al-Waja, le manal al-alam. Et Aouja'a, waz afhala. Nasik, mana zahid, comme une forme de ermite, ascète. Nizuhd. Nasik, c'est le zahid. Nussak, wal jama. Iltiam, mana ittihad. C'est l'union, en quelque sorte. Ou l'uniformité. L'homogénéité. Heiba. Heiba. Ça peut avoir plusieurs sens. C'est là. Fiadannan, c'est le mana, c'est une forme de prestance, prestige. Quoi y a-t-il bimana l'chauf, kazalik? Ou l'chashia. Mais là, c'est pas ça qu'ils veulent dans le texte. Afaza yufidu. À la base, c'est le sens de faire couler. Fait du match, fait couler l'eau. Et là, ils veulent quoi? Tawassa'u. Tajalasa et tajalasu. C'est le fait de s'asseoir ensemble. Adwam, les tafdil, c'est une chose qui dure plus. Plus durable. On dira comme ça. C'est le histoire de Da'im. De Da'im. Adwam. El Khosum. Khosum, c'est l'opposant. Ulfa. Ce Ulfa, c'est un peu comme les fréquentations. Comme a dit Allah Azza wa Jal. Wallazi allafa bayna kulubihim. Wallanfaktama fil ardi jami'a. Ma allafta bayna kulubihim lakin Allah allafa baynahum. C'est lui qui a uni entre leurs cœurs. Allafa. C'est comme le ta'lif. Tu alif kitaban, c'est tu réunis les lettres. Al-ulfa, c'est comme les gens qui sont avec toi en fait. C'est une savoir. Asma'a yusmi'u. Ma ma'na asma'a yusmi'u. Faire entendre. Et d'ailleurs. Naffara yunaffiru. C'est faire fuir. Pourquoi il est entre samar et istimar? Istimar, c'est écouter. Et samar, c'est entendre. Écoute, c'est-à-dire, c'est écouter, c'est volontairement que tu écoutes. Tu dis, anastamir, il est kaza, j'écoute telle chose. Amasamir, c'est j'ai entendu. Samar, ça peut être birer le kosd. Tu passes dans la rue, il y a de la musique, samir tout kaza, j'ai entendu, tu ne l'as pas écouté. Amal istimar, c'est t'as prêté l'oreille, t'as écouté. qui vient avec la voix, la was istaf'ala, avec un ist, c'est une chose que tu veux faire. D'où la talab. Comme ça, nous avons dit, Inch'Allah, nous avons tout le monde dans le sens. طيب انا سنقرا مساواته بين الناس le fait qu'il égalise entre les gens وكان عمر رضي الله عنه قويا في الحق محبا للنظام لا يقدم احدا على احد في الحقوق والمعاملات donc عمر رضي الله عنه il était fort dans la vérité il aimait l'organisation un nizam, l'organisation, et ne faisait devancer personne sur personne dans les droits et dans les échanges. Outiya bimalin, faja'ala yukassimuhu bayna an-nas. Il a reçu de l'argent et il s'est mis à le partager entre les gens. Fazdahamu alayhi, donc ils sont bousculés auprès de lui. Fa'akbala sa'adu ibn abi waqqas, yuzahimu an-nas, hatta wasala ilayhi. فدفعه عمر دفع et après il y a Saad ibn Abi Waqqas qui est venu et qui s'est mis également à bousculer les gens à tel point qu'il est arrivé jusqu'à Omar maintenant je ne sais pas si l'histoire elle fait habiter comme je te dis là on, je ne sais pas si c'est vrai donc Omar l'a repoussé فدفعه دفع il l'a repoussé وقال إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لن يهابك donc il a dit là, j'ai pas compris vraiment le sens de hab et yahab. Dans ce que j'ai trouvé comme sens, il y a toujours le sens de redouter. Et également peut-être obtenir. Comme s'il lui disait en fait que, dans le sens qu'il n'a pas de priorité sur les autres, et que je voulais te montrer, t'enseigner que l'autorité d'Allah aussi veut dire sultan, parce qu'il veut dire aussi le chef, le gouverneur d'Allah décrété, c'est-à-dire lui-même, de te faire comprendre que je ne te redoute pas. Tu es venu, je te repousse, que ce n'est pas ton droit d'avancer sur les gens. Mais la première partie, « La tuhab sultan Allah fil ard » comme s'il disait, tu ne crains pas le gouverneur d'Allah sur terre, c'est-à-dire le fait qu'il veut que les choses soient organisées, toi tu es venu en avant. Allah, je n'ai pas vraiment cerné ce qu'il voulait dire par là. Dans le sens de l'histoire que Saad l'aurait voulu passer devant les gens quoi, en fait. Voilà, après l'histoire ce qu'elle est authentique Allah Alam que Saad c'était quelqu'un qui était riche comme a dit fait le hadith inni dhumalin wala yarithuni ilibnatun li afa tasadak bi thuluth mali thuluth mali ya Rasulullah il a dit c'est quelqu'un qui a de l'argent et personne ne rit de moi, ce n'est une fille. Parce que je donne le tiers de mon argent, il a dit là. Quand la washat Rasulullah, la moitié, il a dit là. Ou plutôt au début, il a dit, en premier par la moitié, après il a dit le tiers. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le tiers et le tiers, c'est beaucoup. Et après, il lui a conseillé de donner à tout à ta fille, c'est mieux que tu la laisses riche plutôt qu'elle demande aux gens. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجهل في مراتك on a pris le hadith que tu ne feras pas de dépenses c'est-à-dire pour tes proches en cherchant l'agrément d'Allah sans que tu ne prennes une récompense, même ce que tu mettrais dans la bouche de ta femme. Ils sont dans ce hadith-là, ils ont dit que une personne ne peut faire don de plus de soulouf, du tiers de sa fortune. Et après, il y en a, ils ont dit un tafsir, parce qu'Abou Bakr Siddiq, il a donné tout son argent, fisabilillah. Il l'a dit, ils ont dit, celui qui a la quwwa, ou celui qui a tahammal, et que sa famille, derrière, ils vont suivre, ils vont supporter, il a dit, il peut tout donner, s'il veut. Mais ça, c'était khos pour Abou Bakr Siddiq. Sinon, à la base, il a dit oui pour soulouf, il a dit soulouf, c'est kathir, c'est beaucoup le tiers. Mais ça, tu le donnes après que les gens de ta famille aient pris leur part. Bien évidemment. Deuxième partie du texte. Fahmuhu lil'ibada. Sa compréhension de l'adoration. Wa kana Omar radiallahu anhu yara anna ibadata al-haqiqiyya hiya al-amalu al-muthmiru al-mufid. Que Omar radiallahu anhu voyait que la vraie ibada authentique, c'est l'œuvre fructive, profitable. Et ce n'est pas dans, justement, on l'a dit, le détachement et le fait de se raser pour quelqu'un de pauvre. Je le miskin, quoi. Donc une femme, elle a décrit Omar, elle a dit que j'ai vu des jeunes qui marchaient avec arrogance et qui parlaient doucement. Rouaidan. J'ai dit, qui sont ces gens-là? Et ça, il y a Taraf Faoun, c'est avec arrogance, mais pourtant ça ne ressemble pas au fier du Kalem. Non, ça aurait plutôt été, ils marchent comme des pauvres, comme des, c'est tout lentement, ou... Et tarafa'oun, hada wal ma'na. Allah alab. Donc j'ai dit, elle a dit, qui sont ces gens-là? Ils ont dit, des ascètes, nous sac. Tu vois. Fakultu, kana wallahi Omar, iza takallama asma'a, wa iza masha asra'a, wa iza daraba awja'a, wa wallahu al-nasik haqqa. Elle a dit que Omar, wallahi, lorsqu'il parlait, il se faisait entendre. Lorsqu'il marchait, il marchait vite. Lorsqu'il frappait, il faisait mal. Et elle dit, wallahi, c'était lui le vrai zahid, le vrai asset. C'est-à-dire, quand il parle, il se fait entendre. C'est-à-dire, son kelem, il a une feïda. Quand il marche vite. Et quand il frappe, il fait mal. Il ne faisait pas semblant. Hein, il ne faisait pas semblant. Thalithan, troisième partie du texte. Ijtima'uhu bi ra'iyatihi. Qui se mélangeait avec les gouvernés. Les gens qui étaient à sa charge. Wa lam yakun radiyallahu anhu yunaffiru min al-majalis. Qu'il ne fuyait pas les assises. Assemblées où il y avait d'autres personnes. Et Annie ne faisait pas fuir plutôt, ne repoussait pas. Non, il a plutôt fait faire fuir, pour repousser les gens. Belkana yahudzu ala ittilam, ala ittiam ennas. Et plutôt, il les incitait à ce que les gens s'unissent, se rassemblent. Wajtima'uhum fi majalisihim. Et qu'ils se rassemblent dans leurs assises. Wa adam tafarruquhim. Qu'ils ne se divisent pas. فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى لِهَيْبَتِهِمْ. Que cela est plus fort pour leur prestance, leur image, on va dire. يعني قال أَفِيذُوا مَجَالِسَكُمْ بَيْنَكُمْ وَتَجَالَسُوا مَعًا فَإِنَّهُ أَدْوَمُوا لِأُلْفَتِكُمْ وَأَهْيَبُ أَهْيَبُ لَكُمْ عِنْدَ النَّاسِ. Donc il a dit, c'est-à-dire, élargissez vos assises pour que les gens puissent venir entre vous. Et asseyez-vous ensemble. Car cela est plus durable pour votre, pour vos rapports, vos liens, on va dire comme ça, vos liens entre vous. Et cela vous rendra plus respectable auprès des gens. Une meilleure image. وكان يختلط برعيته ويود أن يقسم وقته بينهم. Il s'est mélangé justement aux gens qui étaient sous son gouverne, sous son autorité, et il aimait partager son temps avec eux. Et قال لئن عشت إن شاء الله لا أسيرن في رعية حولا. Si jamais je vis encore, que je passerai un an au milieu des gens. فأقيم في الشام شهرين. Au Sham, je serai là-bas durant 2 mois. وفي مصر شهرين. Et en Mصر, en Égypte, 2 mois. وفي جزيرة الجزيرة شهرين. يعني la péninsule arabique, 2 mois. والله لنعم الحول هذا. Il dit par là quelle bonne année celle-ci. وكان يطوف في الأسواق ويقرأ القرآن ويقضي بين الخصوم. Et qu'il marchait, il allait dans les marchés de commerce, il lisait du Coran et il jugeait entre les gens lors de leur litige, les opposants. Ahmed. طيب. التدريب الأول. Ça c'est la question du texte. كيف فهم عمر رضي الله عنه العبادة؟ Comment tu comprends qu'est-ce que l'ibada? هل كان رضي الله عنه ينفر من المجالس وضح ذلك؟ Est-ce qu'il faisait fuir ou est-ce qu'il repoussait des assises? Éclaircis cela. Je sais pas si ça veut dire qu'il empêchait les gens de venir ou que lui-même ne venait pas. لماذا عامل سعد ابن أبي وقاص بشدة؟ Pourquoi a-t-il été sévère avec Saad? كيف كان يود أن يقسم وقته؟ Comment est-ce qu'il aimait partager son temps? كيف كان يقضي وقته؟ Comment est-ce qu'il passait son temps? أيهما أفضل؟ ولسه سادس. سابعا ما العبادة الحقيقية في رأي عمر رضي الله عنه. Qu'est-ce que la vraie ibada dans la vision de Omar رضي الله عنه. طيب الان ناخذ بدء اعراب ان شاء الله. طيب اعرب وكان عمر رضي الله عنه قويا يعني في الحق. كان في الماضي من على الفتح لا محل له من الاعراب. وفي تسجل تزيد فعل ناقص. فعل ناسخ. فعل ماضي ناسخ او طلعت في التليفون. في الماضي ناقص ناسخ. ناقص ناسخ مفتوح لا مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نعم. عمر اسم كان. نعم معرفوع علامة رفعي الضمة. رضي الله عنه في لا هذا لس سين فراس لا محل له من الإعراب. سين فراس لا من رضي سي فيل رضي جلاله سي الفعيل يعني هو جر مجهول. قويا خبر إن منصوب ب خبر كان خبر كان منصوب بكان وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. وفي جر متعلقا بقوي سبق وشيء قوي. قال أوتي بمال فجعل يقسمه بين الناس. ما يعرب Outilla. Finalement, dit Mourir Sira. Mabni. Al-Fat. Nam. Faz Dahamu. Alayhi. Merab Zdahamu. Zdahamu. Voilà, c'est. Finalement, dit. Nam, Mardi. Mardi. مرفوع لا فزدحمو أحسنت. فدفعه عمر دفع. ما يعلب دفعا؟ مفعول مطلق. أحسنت. مفعول مطلق. منصوب على متنصب به الفتحة. ثم قال فأحببت أن أعلمك. أريد أن أعلمك. لا أجب أن أعلمك. أن حرف نصب, حرف مصدر ونصب الاستقبال. نعم. أعلمك مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أعلمك فعل مضارع منصوب بأن, بمنصوب بأن, منصوب بأن. نعم. وعلامة نصبه ال ال شو اسمه ال الفتحة على آخره, وكيف ده من متصل, ده من متصل في محل مبني في محل نصب مفعول به. أحسنت. أين الفاعل؟ دمير مستتر تقديره أنا. نعم. وجوباً أو جوازاً؟ وجوباً. وجوباً. وجوباً. أحسنت. لن يهابك. لن نفي, وحرف نفي ونصب واستقبال. نعم. مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يهابك. يهابك فعل مضارع منصوب ب بلن, وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة آخره, والكاف تمير متصل, تمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. أحسنت. ما يعلب أن العبارة الحقيقية. أن حرف توكيد مبني على الفتح, مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. العبادة اسم إن, اسم إن منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الحقيقية النعت. أحسنت. النعت. ويتكلمون رويدا. ما إعراب رويدا؟ حل. حل. حل. أحسنت. أي كمان كيف يتكلمون؟ يتكلمون رويدا. والله أن هو والله الناسك حقا. حقا ما على بحقا استعيب تخوفي. حقا توكيد ناسس. توكيد استدراك. استدراك. ça veut dire c'est lui le vrai quoi. Et c'est quoi le rapport avec استدراك? Voilà qui ne ressemble pas à ça. Là, c'est un mafou mutlak. Puisqu'on se dit Aidan. Aidan, c'est un mafou mutlak. Et son. Ah, ça va un peu à son théorie. يوضح سنتوضح سامة في المطلق. طيب لئن عشت إن شاء الله لا سيرن في الرعية حوله. ما يا رب لا سيرن تحت لا سيرن واو عداء لا سيرن التوكيد لا مفهوم التوكيد لا لا لا الدبي ايوه الفيرسي اسيرن اسيرن في مضارع منصوب لا بلوتو مبني مبني على الفتح اتصال نو توكيد في محل في محل رفع في محل رفع أحسنت وما يعلب حولا لأسيرن في الرعية حولا تقول يا رب حولا يعني معنى سنة تميز لا ذهبت بعيدا أسهل من هذا أسهل من هذا أيوة لأسيرن في الرعية حولا معنى سنة معنى سنة حولا معنى سنة ظرف ظرف زمان فأقيم في الشام شهرين ما يعلم شهرين ظرف مكان زمن زمن ظرف زمن وما يعلم يقضي بين الخصوم بين ما يعلم بين نعم سي مضاف مي افون سا مضاف سي با ان اعراب سا عان افوار افيك لو الحركات على فا بين سهل ويقضي بين الخصوم تفاصيل ظرف ظرف مكان ظرف مكان منصوب اسم مضاف طيب عايز نكتفي بهذا اليوم ان شاء الله مفهوم فلو نوى الحمد لله رب العالمين